Allons-y avec l'album de la semaine, si vous voulez bien. C'est un album assez particulier, mais j'aime bien. C'est l'album Marc à Paul, à Joe, à Albany, à Charles, à Syriat, à Johnston. C'est Marc à Paul, à Joe qui nous offre un nouvel album. Et puis, c'est un artiste particulier de la région de Clare. Marc à Paul, à Joe nous offre son 5e album. Comme je viens de le dire, Marc à Paul, à Joe, à Albany, à Charles, à Syriac, à Justin. C'est un album à saveur country avec une fierté hors du commun. Cet opus comprend 13 textes dans un français typique de la baie Sainte-Marie, un français très coloré qui fait la fierté et la richesse des résidents de ce beau pays. Grâce à cet accent de la baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, autant les textes profonds que les textes un peu plus crus sonnent comme de la musique en soi, de la musique à nos oreilles. La majorité des textes sont un hommage aux personnes, aux habitudes, aux coins cachés de ce paradis sur terre qu'est la baie Sainte-Marie. Donc, je vous donne bien sûr une adresse pour aller découvrir l'artiste et même peut-être mettre la main sur une copie de l'album. C'est Marc à Paul à Joe. .bandcamp.com Marc à Paul à Joe, tout en un mot, .bandcamp.com. On va y aller, si vous voulez bien, avec la pièce titre qui sont les premières lettres des noms de Marc à Paul à Joe. Donc, c'est MPJACSJ pour Marc à Paul à Joe à Albany, à Charles, à Syriac, Justin. Je pense qu'il dit mieux que moi. Voici un artiste qu'il faut encourager. C'est vraiment très intéressant. Typique de la baie Sainte-Marie. Vraiment un très bon produit. Voici Marc à Paul à Joe avec tout simplement MPJACSJ. Il y en a qui trouvent que hey, drôle de nerf. Ils tordent dans la langue pour essayer de le dire et ils trouvent sa manière de l'air. Bah, c'est mieux expliqué, c'est point trop compliqué. Faisait règle de suivre ma ligne de famille et vous saurez comment me plaît. Appelez-moi Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. Mon père s'appelle Paul, puis son père s'appelle Joe. Grand-père t'a connu comme Joe et Benny, puis mon père c'est Paul à Joe. Moi et mon nom est Marc, est élevé au petit ruisseau. Avec mes moyens de ma descendance, puis un nom qui est pas mal beau. Je m'appelle Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. Benoît Pius et puis Joe Philippe, c'est à mes voisins. Il y en a la parole pour être femme, mais que le verre d'or est chic, mais c'est en haut du chemin. Puis il y a Fred Camille, le gobernier de Saint-Miro, la petite Joe Gobernier. Je suis fier et puis grandir au Turisseau, c'est un paradis comme au ciel. Je m'appelle Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. C'est un qui se mêle. Ma pour Marc à Paul ou Marc à Joe. Et des fois même pas la Marc à Joe. Je suis fier que vous essayez. Marc va vous regarder. Un va vous bailler. Une bête de sang. Puis vous saurez comment m'appeler. Appelez-moi Marc à Paul. À Joe et Benny. À Charles, à Syrie, à Gaston. Marc à Paul. À Joe et Benny. À Charles, à Syrie, à Gaston. Marc à Paul. À Joe et Benny. À Charles, à Syrie, à Gaston. Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. Marc à Paul, à Joe et Benny, à Charles, à Syrie, à Gaston. Macca polla giorbeni e con la seria Kirsten. Il y a quelques petits bijoux fort intéressants sur cet album-là, autre que la pièce titre que j'aime énormément. Il y a la cigarette, qui est une drôle de petite complainte sur le fait d'arrêter de fumer. C'est aussi une superbe valse country qui nous berce. C'est vraiment bien fait. Il y a un hommage à la compagnie Keurig avec la chanson « Keurig ». Qui est vraiment une petite pointe d'humour assez intéressant. Vous écoutez le texte et vous allez sourire, ça c'est garanti. Par la suite, il y a aussi Tatcher pour mon corps. Ça s'avère être un des merveilleux country avec un texte à double sens. Sa version anglophone, Your Tale for My Body, termine très bien l'album. Autre bonne pièce que j'aime bien sur ce disque, il y a les joueurs de violon qu'on va entendre à la fin de commentaire, c'est vraiment bien fait. Les enfants de Howard à Homer à Howard et la ville de Clark sont ici des pièces fort intéressantes. Martin machine pour me faire du café, faut goûter ce Wellmanric. Prends l'autre à sa part. Et les bains là-bas, Keurig, Keurig, Keurig, Keurig. On a besoin d'acheter des toutes petites copes qui venons dans des boîtes de 30 ou 40. Keurig, des cafés fancy. Keurig, des Starbucks pour les hippies. Keurig, Keurig, Keurig, Keurig. Point de crème ou de sucre, c'est la seule à part. Ça me fait rien, je prends mon café noir. Keurig. Pas besoin de t'enlever. Keurig. Tu t'aimes de même l'Irving. Keurig. Keurig, Keurig, Keurig. C'est pas mal que moi t'as pas besoin de t'acheter des filtres ou de la poudre à café. Keurig. À la brique de Deezer. Keurig. Et bien que c'est la fleur. Keurig. Keurig, Keurig, Keurig. Ça va tout dans l'hiop. Mon massac qu'on virait d'une fois. Keurig. Ça me fait pas grand misère. Keurig. Puis ça me tient bien bien. Keurig. Keurig, Keurig, Keurig. Si la reine de l'Angleterre vient me visiter, pourrait même y faire une coupe de thé. Keurig. Puis elle aime la maison. Keurig. Un très drac ou mero. Keurig. Keurig, Keurig, Keurig. Keurig, Keurig, Keurig. Keurig, Keurig, Keurig. La fierté de son coin de pays, la maîtrise de son accent et une couleur country qui nous berce, voilà la richesse que veut bien nous partager Marc Apolladio. Une plume qui rend hommage aux ancêtres, mais aussi au style de vie de son chez-soi. Marc Apolladio est un artiste dont on doit tendre l'oreille, découvrir l'univers, son univers, en visitant tout simplement marcapolladio.bandcamp.com. Et si vous allez sur Distribution Plage, www.plage.net, je suis certain que vous allez pouvoir mettre la main sur cet album-là, qui s'appelle Marc Apolladio à Albany, à Charles, à Syriat, à Justin. Donc, Marc Apolladio, c'est un artiste à découvrir, vraiment très intéressant. Une pièce qui me fait sourire, que j'aime bien sur cet album-là, c'est les joueurs de violon. Si vous vous demandez c'est quoi du violon, eh bien, écoutez la pièce et vous allez comprendre. Voici Marc Apolladio, les joueurs de violon. Chiski va prendre la place des joueurs de violon. Chiski va prendre la place des joueurs de violon. Et Mille Falchette, lui, est parti favorite by you, we be easy. Just keep a brand of dusty with your leg. And tant pour ce tirant tag d'une maison. T'assures le temps des bons with your leg. Les grands enfants payons tout jouer, les voisins m'ignorent écouter. La grand-mère et le grand-père en fait danser. Frank et John Muse, t'es sacré bon goût de violin. Son père voit son autre composition. Souvent personne pour accorder, mais les deux tapions du pied. Pour des heures sans arrêter. Jusqu'il va prendre la place des goût de violin. Jusqu'il va prendre la place des goût de violin. Et mille barchettes de lui partir, vrai de maillot, oui, biaisé. C'est qui va prendre la place des routes de l'aigle. Dennis Alford, un autre bon route de l'aigle. Son père voit dans le temps de la dépression. Des noces pour des mariés, pas un personne payé. Pouvoir jouer toute la veillée sans arrêter. Tom et Charlie est né au Conseil. Et s'en va jouer à l'entour de Bastien. S'il y avait un bon jeu de violin, moi je suis sûr qu'il n'y en a pas cinq. Je regrette pour point les mettre dans ma chanson. Qu'est-ce qui va prendre la place des jeux de violin? Qui va prendre la place des huit violins. Et mille barchettes lui partir, vrai de paillot, oui, vieillé. Qui va prendre la place des huit violins. Qui va prendre la place des huit violins. Qui va prendre la place des huit violins. Et mille barchettes lui partir, vrai de paillot, oui, vieillé. Qui va prendre la place des huit violins. Chiski va prendre la place des huit violins. Chiski va prendre la place des huit violins. Et mille barchettes lui partir, vrai de paillot, oui, vieillé. Chiski va prendre la place des huit violins. Chiski va prendre la place des huit violins. Chiski va prendre la place des huit violins. Et mille barchettes lui partir, vrai de paillot, oui, vieillé. Qui va prendre la place des huit violins. Qui va prendre la place des huit violins. Qui va prendre la place des huit violins. Et mille barchettes lui partir, vrai de paillot, oui, vieillé. Qui va prendre la place des huit violins. Qui va prendre la place des huit violins. Qui va prendre la place des huit violins. Et mille barchettes lui partir. Chiski va prendre la place des huit violins. Chiski va prendre la place des huit violins. En quelque part dans le bas de l'Outaouais, oh, viens m'aider, je suis un peu mêlé. En quelque part dans le bas de l'Outaouais, oh, viens m'aider, je suis un peu mêlé. Y'a un petit chemin qui fourche dans le nord, la petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis le lac Simon. Vous verrez que le monde est bon, puis le lac Simon. Un coup rendu à Chenyville, la météo annonce bien beau. Un coup rendu à Chenyville, la météo annonce bien beau. On prie de la glace pour la 24, la petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis le lac Simon. Vous verrez que le monde est bon, puis le lac Simon. Le long d'une course, c'était indiqué, on vient m'aider, j'ai hâte d'arriver. Le long d'une course fait indiquer, on vient m'aider, j'ai hâte d'arriver. Bienvenue à la SAO, la petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis le lac Simon. Vous verrez que le monde est bon, puis le lac Simon. On a planté nos piquets tantôt, viens m'aider pour la montée. On a planté nos piquets tantôt, viens m'aider pour la montée. Sur le bord d'un feu, qu'est-ce que tu veux de mieux? La petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis le lac Simon. Que le monde est bon, puis lac Simon. Une branche d'érable pour les guimauves, un quartier de pain pour la chaison. Une branche d'érable pour les guimauves, un quartier de pain pour la chaison. Deux, trois voisins, une poignée de main, la petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis lac Simon. Vous verrez que le monde est bon, puis face d'un chum l'année primaire, le charme d'une fille du secondaire. La face d'un chum l'année primaire, le charme d'une fille du secondaire. Oh, bien José, je voulais me rappeler la petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Mon vieux chandail de laine sur le dos, une vieille casquette que t'aimes bien gros. Mon vieux chandail de laine sur le dos, une vieille casquette que t'aimes bien gros. Chaud. La petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. L'odeur du vent nous fait rêver, je crois que ça sent les belles années. L'odeur du vent nous fait rêver, je crois que ça sent les belles années. Sur le bord d'un feu, qu'est-ce que tu veux de mieux? La petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Les papes en l'air, le sang trop clair. C'est à votre tour. La petite nation. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. Vous verrez que le monde est bon, puis l'accident. La petite nation. La Tuque Bleue et La Petite Nation, une formation de ce coin de pays-là au Québec. C'est au nord, un peu au nord là, de Turceau. Et c'est des gars très sympathiques qui font de l'excellente musique folklorique. Ils sont encore en action ces temps-ci. Mais il n'y a pas de nouvel album en vue. Mais peut-être à un moment donné, oui, il y en aura un. On l'espère. Et puis, ils sont très occupés parce que, si je ne me trompe pas, ils ont lancé le premier festival de musique traditionnelle de l'Outaouais. Ça s'est passé du côté, justement, de la Petite Nation, ce coin de pays-là. Donc, de l'excellente musique, ce qu'on vient d'entendre, c'est la Petite Nation. On va traverser la rivière, si vous voulez. On va aller du côté de Saint-Albert, où il y a la... selon moi, la meilleure fromagerie en Ontario, sinon au monde. Bon, peut-être que Jacques Joser, je n'ai pas tout goûté, mais quand même, dans ma jeunesse, parce que je viens de l'Outaouais, la fromagerie Saint-Albert, c'était quelque chose. Et quand on allait là, c'était le gros cadeau, manger du bon fromage, surtout des curds. Donc, c'est le festival de curds qui a du 14 au 18. Il y a plusieurs artistes de l'Ontario qui s'y retrouvent. Il y a, entre autres, LGS Swing qui devrait être en train de faire les derniers spectacles de leur tournée d'adieu. Eux qui ont décidé de prendre une pause après 20 ans de carrière. Swing LGS, le groupe Swing. Eh bien, on va entendre Thirsty, dernier extrait là, qu'ils ont lancé de 45 tours, volume 2. Très intéressant comme pièce. On va entendre aussi M. Damien Robitaille, sorti de secours, qui, lui, continue à faire des spectacles un peu partout au Québec, en Ontario. Et c'est toujours intéressant de le voir en spectacle, ce gars-là. Professionnel comme ça se peut pas, très sympathique, bien le fun. Et puis, avec lui, il y a des Moses de bons musiciens, bonnes musiciennes aussi. Donc, il va être du côté du Festival de Curds. On va entendre « Sortie de secours ». Et lorsqu'on parle de Saint-Albert, s'il y a une personne sur la planète qui est vraiment fière de Saint-Albert et de son coin de pays, c'est Mélissa Ouimet, bien sûr, qui, elle, demeure à Montréal, mais se promène beaucoup dans l'est de l'Ontario pour faire des ateliers dans les écoles, faire des spectacles et tout ça. Et on va l'entendre avec une pièce de son dernier album, « Amour jetable ». Qui sait, c'est la pièce qu'on va entendre dans quelques instants. Très bonne pièce, vous allez voir. Elle est native, justement, de Saint-Albert, là où ce qu'on fait du Moses de bon fromage. Allons-y avec Swing. Voici tout simplement leur dernier extrait. Voici Thirsty. s'allume. J'ai quoi qui brûle dans la poitrine. Chin, chin, bring it in. C'est le fond du verre qui me fait signe. Spin, spin, Jack and Jin. J'flash ma Rolex qui vient de la Chine. Spin, spin, dans limousine. I'll make it rain, même si ça me ruine. C'est pas comme moi de faire ça, mais c'est Friday. Ce soir on danse et on danse, suis-moi baby. On fait la fête et la fête avec mes ladies. Rum, Jack et Gin. Je suis thirsty. Encore un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre chicalo. Trouve une ligne, y'a de quoi qui bouille dans la cuisine. I win, win, I'm all in. Y'a une paire de dames qui me fait signe. C'est pas comme moi de faire ça, mais c'est Friday. Ce soir on danse et on danse, suis-moi baby. On fait la fête et la fête avec mes ladies. Rum, Jack et Gin. Je suis thirsty. Encore un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre, chicalo. Oh no. Encore un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre, chicalo. Oh no. C'est pas comme moi de faire ça, mais c'est Friday. Ce soir on danse et on danse, suis-moi baby. On fait la fête et la fête. Ladies, rum, Jack et Gin. Je suis thirsty. Encore un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre chicalo. Oh no. Encore un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre chicalo. Oh no. Encore un autre, rum, Jack et Gin. Encore un autre, spin, spin et chin. Thank you. le bout du nez devant l'infini. Avoir si peur de se mouiller que l'on se noie d'ennui. Avoir trouvé l'idée du siècle quelques secondes trop tard. Vouloir un parcours sans échec, c'est prendre un faux départ. Voir l'heure exacte sur le cadran et fixer sur un mauvais jour. Quand tricher pour gagner du temps te fait prendre encore un détour. La route s'étend peut-être où le brouillard s'arrête. On voit ce que l'on veut voir. On croit ce que l'on veut croire. Et qui sait en un finira en tête. Quand prétendre tout savoir, c'est d'être un peu bête. On peut choisir d'entendre oui quand on nous dit non. On peut avoir tort aussi à suivre la raison. Les apparences peuvent nous déjouer comme un visage à deux côtés. Les apparences peuvent nous flouer. Il faut savoir